Donc, François, tu nous avais préparé, en fait, une petite nouvelle, il y a déjà deux semaines, que tu n'avais pas eu le temps de nous dire. Il s'agissait d'une forme de nanis qui protégerait contre les maladies. C'est assez curieux. Raconte-nous ça. Oui. Alors, selon une étude parue dans la revue Science Translational Medicine, alors, une communauté isolée de personnes de petite taille vivant en Équateur semblerait immunisée contre le cancer et le diabète. Alors, les chercheurs ont émis l'hypothèse qu'une hormone de croissance jouerait un rôle dans l'apparition de ces maladies. Pour tenter de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse, l'équipe de recherche internationale a suivi pendant 22 ans une centaine de personnes de petite taille dans une communauté andine. Est-ce qu'on sait si leur petite taille était d'origine génétique? Indirectement, Valérie. Alors, le groupe étudié souffrait plutôt du syndrome de Laron, qui résulte d'une déficience génétique empêchant l'organisme d'utiliser une hormone de croissance. Alors, les chercheurs ont suivi en parallèle environ 1600 membres de leur famille qui sont de taille normale. Alors, durant cette période d'observation, aucun cas de diabète n'a été observé chez les personnes atteintes du syndrome de Laron et un seul cas de cancer guérissable a été noté. En comparaison, 5% des personnes de taille normale et parents de ceux atteints de nanisme qui vivaient dans cette même communauté sont devenus diabétiques et 17% ont eu le cancer. Ah ouais. Alors, cela incite à penser que l'hormone de croissance pourrait jouer un rôle dans l'apparition de ces maladies, car les autres facteurs de risque génétiques et environnementaux étaient les mêmes. C'était les mêmes pour les deux populations. Ben, c'est ça que tu vivais dans le même environnement. Ça, exactement. C'est en plus, ce qui est drôle, c'est d'après ce que tu dis, certains étaient parents même. Oui, c'est effectivement. Ça, c'était même. Mais qui étaient de taille normale. C'est ça, exactement. Et les personnes de petite taille, est-ce qu'elles ont vécu plus longtemps finalement? Alors, on s'y attendrait, mais l'expérience a montré que l'espérance de vie était la même pour les deux groupes. Les auteurs de la recherche ont constaté que les accidents, l'alcoolisme et les abus de drogue étaient les causes les plus fréquentes de mortalité du groupe atteint du syndrome de Laron. Ça a pris le dessus, finalement. Ces autres risques-là prennent largement le dessus. Exactement. Cependant, tout laisse croire que ça pourrait être le cas dans une cohorte où l'alcoolisme, l'abus et les drogues et les accidents seraient moins présents. Ah oui, oui, mais c'est quand même une nouvelle assez surprenante. J'imagine que ça doit ouvrir des pistes de recherche quand même. Hein? Sûrement. Effectivement. Ouais. Bien, merci beaucoup François pour cette nouvelle dernière minute. Ça me fait plaisir.